Mais disons, la monnaie, pour moi, c'est typiquement un code, en fait. Et un code, si on fait l'analogie avec les organismes vivants, ou le corps humain, le code, c'est le code génétique, et c'est très lié au système immunitaire qui fait que. Voilà, certaines mutations vont être acceptées ou pas, rejetées ou pas. Voilà, c'est le système immunitaire, c'est un code qui baigne l'ensemble des cellules, sans lequel il n'y a pas unité de l'organisme. La cellule, c'est plutôt la communauté, les petites communautés locales. Qui de toute façon sont interconnectés par la force des choses. C'est bien difficile d'être local aujourd'hui, quoi. Je vois pas. C'est très très très très dur. On est forcément lié à cette perspective temporelle. Dès qu'on passe un coup de fil ou qu'on a une information qui vient de l'extérieur, on est forcément lié à la perspective numérique, donc à ce système immunitaire global, dès qu'on est en relation avec oui, un autre type de monnaie qui serait plus globale, ou un système symbolique ou religieux, qui est vraiment une entité qui baigne l'ensemble, ou des systèmes de représentation mentale, des choses comme ça. Voilà, on n'est jamais isolé, impossible. Donc la question de savoir quels sont les critères de légitimité entre qui, puisque chaque monnaie définit une perspective, ou disons peut être un mix de perspectives spatiales, temporelles, numériques, quels sont les critères de légitimité de ces perspectives et qui possiblement vont être des critères de sélection, de la sélection naturelle. En faisant l'hypothèse donc que les organismes, les monétaires ou les systèmes monétaires les plus légitimes vont l'emporter. Alors pour moi, les critères de légitimité de la perspective numérique sont les suivants. Je les appelle A, AB et ABC. Alors le critère A, c'est que quel que soit l'individu, ça va marcher. Ça marche pour A. Ça marche. C'est l'idée que le code fonctionne pour tout le monde. Disons que si A veut être dans le code, il est dans le code et ça fonctionne. Donc c'est l'idée, en fait, ça vient de l'idée sur l'internet du running code. C'est-à-dire que c'est un code qui fonctionne. Il faut que ça marche. Ça paraît rien du tout, mais c'est déjà pas si simple. Ça marche, un code pour tout le monde. Ensuite, il y a le critère AB. L'idée de dire que ça va marcher aussi bien pour A que pour B. De la même manière. Y compris les auteurs du dispositif. C'est-à-dire que, par exemple, si tu regardes le système de Facebook, si tu considères la perspective liée à Facebook, c'est une perspective typiquement temporelle. Facebook ne répond pas aux critères de légitimité AB. Pourquoi? Parce que Facebook est centralisé au sommet de la pyramide. Il y a un multimilliardaire maintenant qui s'appelle Zuckerberg, qui était un jeune con il y a encore à peine 10 ans. Voilà, Zuckerberg n'est pas comme n'importe quel A ou n'importe quel B. Voilà. Donc le système ne fonctionne pas de la même manière pour lui et pour les autres. Et c'est très difficile en matière informatique, en matière de réseau, de faire fonctionner quelque chose de manière univoque pour A et pour B, parce qu'il y a toujours les développeurs, tu vois, les gens qui maintiennent le réseau et qui ont un peu les clés en dessous, tu vois. Et puis, tu vois, il y a ce qu'on appelle les backdoors, hein, on l'a vu avec la NSA, tu vois, il y a des trucs qui passent par derrière, on ne sait pas par où, et puis qui permettent de manipuler le truc. Ouh! Vachement compliqué. Et puis dans la finance, il y a les délits d'initiés, il y a les gens qui ont les infos que d'autres n'ont pas. C'est archi compliqué le critère AB, hein, à réaliser. Très, très, très dur. Mais à partir du moment où une monnaie donc fonctionnerait, donc remplirait le critère 1 pour tout le monde qui voudrait rentrer dedans. Remplirait un tant soit peu mieux que les autres le critère AB. Ça serait un critère qui fait que, effectivement, les gens, si ça devient lisible, visible, que déjà ces seuls deux premiers critères sont remplis, eh bien, ces gens vont se ruer sur cette monnaie, sur le monde qui est ouvert par cette monnaie, parce qu'ils vont savoir qu'on ne les prend pas pour des imbéciles, déjà, et qu'ils ne sont pas exclus. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui manipule dans leur dos le truc. Waouh, ça serait déjà énorme. Et puis il y a le critère le plus compliqué, le plus abstrait peut-être, qui est le critère ABC. Et là, l'idée de dire, voilà, on considère l'individu A, l'individu B, l'individu C. Dès qu'il y a trois individus, ça devient un groupe. C'est l'idée de groupe. L'idée de dire, il faut que ce critère dit, et le suivant, c'est qu'il faudrait que cette monnaie, enfin que ce code, permette à la collectivité de tenir ensemble, soit le scotch, la glue. Et en général, ce qui fait tenir une communauté ensemble, c'est une culture, c'est un mythe commun, en fait, tu vois, un mythe fondateur, quelque chose qui fasse que ABC fasse corps, quoi. Et puis, quand on regarde la courbe dont je parlais tout à l'heure, avec ces trois catégories de population, la courbe comme ça, linéaire, puis avec ce seuil et cette coupure, voilà, A, B, C, on peut dire que ça représente ces trois des individus qui font partie de ces trois catégories de population, donc une partie un peu rejetée, une partie compétitive, et une partie non moins compétitive ou non compétitive. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens vont rester ensemble, pas s'entretuer, quoi? Qu'une forme tenable va pouvoir exister, que les uns ne vont pas manger les autres, voilà. Alors que finalement, de nouvelles technologies sont arrivées, un peu comme les armes des premiers hominidés, qui potentiellement donnent aux uns un pouvoir énorme sur les autres. Et le stress est partagé par tout le monde. Voilà. Et c'est peut-être ça ce qui va faire en sorte que tout le monde va pouvoir. Enfin, qu'on va. Je sais pas jusqu'où va aller ce stress. Peut-être ça va péter, j'en sais rien. À un point qu'on jamais vu, je sais pas. J'espère que non, mais je crois que c'est effectivement la seule chose qui fait que toutes les couches de la population peuvent se rassembler pour essayer de Autre chose. passer à autre chose.